sur la Flandre occidentale. Grande différence de température entre l'Ardenne et le littoral aussi cette nuit, puisqu'on aura 7 degrés à Saint-Hubert et jusqu'à 16 degrés à Ostende. Demain matin, on se réveillera sous les nuages. Dans l'après-midi, des éclaircies reviendront, elles seront parfois larges. Le vent de sud-ouest sera sensible et les températures comprises entre 18 et 23 degrés. Bon début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Ça se dégage sur la 54, la route entre Charleroi et Bruxelles. La protection civile est parvenue à évacuer les camions qui étaient entrés en collision ce matin et à dégager les automobilistes coincés. La chaussée reste fermée. Pas d'école aujourd'hui pour fêter la Fédération Wallonie-Bruxelles, autrement dit la communauté française. Les francophones, pas toujours à la fête pourtant. Ils doivent rester vigilants, dit Rudy De Motte, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que l'État fédéral manque de loyauté. Extrait de ce discours dans un instant. Hillary Clinton semble l'avoir emporté sur Donald Trump hier lors du premier débat télévisé. La démocrate était mieux préparée. Elle marque des points, en tout cas dans les sondages. Mais le combat est loin d'être terminé. Le journal de la mi-journée présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Des centaines d'automobilistes coincés sur l'A54. L'autoroute est toujours fermée entre Charleroi et Nivelles, fermée à cause d'un accident entre deux poids lourds. L'accident c'était vers 6h15 à hauteur de Buzet. Heureusement, un seul blessé léger à déplorer, mais cela fait des heures maintenant que cette autoroute est fermée. Lionel de Neubourg, pourquoi ça prend autant de temps pour la dégager? Déjà parce qu'il faut évacuer tout le chargement des poids lourds. L'une des deux remorques a été littéralement déchirée comme du papier et tout le gravier s'est répandu sur l'autoroute. Tout ça prend du temps. Écoutez le commissaire Marc Duculot de la police fédérale des autoroutes. La protection civile a déjà enlevé une bonne partie du chargement. Ils sont actuellement en train de brosser donc ce qui les déchets qui restent sur la chaussée. Et puis, il viendra le temps de réasphalter. Donc, ça, c'est prévu également. Réasphalter la chaussée, mais aussi réparer les barrières de sécurité et les poteaux d'éclairage. Résultat, l'autoroute ne devrait être accessible que vers 20h ce soir. Et donc, des centaines d'automobilistes, Lionel, ont été piégés sur la 54 une bonne partie de la matinée. Oui, une dizaine de kilomètres de bouchons, des voitures et des camions qu'il a fallu évacuer au compte-gouttes. La police a dû les encadrer pour faire demi-tour sur l'autoroute. Pas évident, évidemment, pour des camions. Ça a pris du temps. La protection civile a même distribué des berlingots d'eau aux personnes coincées. Mais à présent, donc, tout le monde a pu quitter cette A54. Merci Lionel. Et les itinéraires de déviation, on en reparle après le journal dans l'inforoute qui suit ce journal. Dans les années 2000, c'était le roi du pétrole en quelque sorte. Georges Rovillard, l'ancien bourgmestre de Fontaine-l'Évêque et président de l'AWIP, l'agence wallonne pour la personne handicapée, roulait en grosse berline, il voyageait énormément et manifestement, il confondait parfois les comptes, les siens, avec ceux de la ville ou de l'agence wallonne pour la personne handicapée. La justice vient de condamner l'ancien mandataire socialiste, aujourd'hui âgé de 70 ans, à un an de prison avec sursis, Christine Borowiak. Au total, Georges Rovillard devait répondre de 250 préventions, tournant tout autour d'abus financiers commis dans ses fonctions. L'ancien administrateur général de l'Agence wallonne de la personne handicapée, devenu aujourd'hui l'AVIC, voyageait dans le monde entier sous des prétextes très divers, aux frais de l'organisme qu'il dirigeait, mais en plus, Rovillard dédoublait régulièrement les factures et notes de frais pour se les faire aussi rembourser par la commune de Fontaine-l'Évêque, dont il était le bourgmestre. Des faits qu'il a parfois admis en expliquant qu'il avait, je cite, « du mal à joindre les deux bouts ». Les faits avaient été découverts en octobre 2006 dans la foulée du scandale de la Carolo et l'homme avait été placé en détention préventive. Aujourd'hui, il se dit soulagé que tout cela soit fini. C'est 10 ans de calvaire, de souffrance, etc. Donc, quelque part, je suis un peu soulagé. Son épouse était également poursuivie pour avoir profité des nombreux avantages que lui offrait son époux. Elle a été acquittée. Rovillard devra maintenant rembourser les sommes détournées, environ 20 000 euros. Au procès Westphal, défilé des experts aujourd'hui devant la cour d'assises du Hainaut. Le psychiatre mandaté par le juge d'instruction n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Il décrit Bernard Westphal comme un menteur invétéré, version contestée par les avocats de la défense. Philippe Mayence, l'avocat de Bernard Westphal, parle d'un rapport bâclé basé sur des articles de presse. Deux autres experts mandatés par la défense justement exposent leurs conclusions et estiment eux que la personnalité de l'accusé est sincère. En bref, aussi ce policier Carolo de 35 ans arrêté hier chez lui, il sera présenté cet après-midi à un juge d'instruction. On le suspecte d'avoir acheté des armes et des grenades sur internet. On a retrouvé chez lui aussi des engins explosifs et des grenades justement. Le parquet reste très discret sur cette affaire. 27 septembre, vos enfants ne sont pas à l'école. Aujourd'hui, la communauté française, rebaptisée Fédération Wallonie-Bruxelles, est à la fête. Enfin, façon de parler, parce que le 27 septembre, c'est toujours l'occasion de se demander si cette fédération a bel et bien sa place dans nos constructions institutionnelles. Eh bien, cette communauté française, elle est tout à fait indispensable, dit Rudy de Motte, son ministre-président, pour faire entendre son propos, y compris au nord du pays. Il a même parlé flamand. Les francophones, dit-il, ont bien des dossiers à défendre, des pièges à éviter par rapport à une Flandre parfois très agressive. Exemple, l'affaire des numéros Inami refusés au Sud. Comment interpréter, par exemple, le refus de répondre positivement aux besoins objectifs des francophones en matière d'attestation Inami ? Comment croire en la sincérité de d'aucuns membres de la majorité fédérale qui préconise « Wij moeten de Franstaligen in de positie van vragende partij krijgen. Wij moeten de Franstaligen uit hun kot lokken. Nous devons mettre les francophones en position de demandeurs. Nous devons les faire sortir de leur trou. Veut-on nous faire sortir du cadre institutionnel au prix d'un délitement de l'État ? Le piège est grossier et j'espère, je le souhaite, que tous les francophones, où qu'ils siègent, le mesurent bien. Ma conviction s'inscrit à contre-courant d'une pensée facile. Ça ne va pas, la Belgique, on la gomme. L'Europe, on la gomme. La Fédération Wallonie-Bruxelles, on la gomme. Eh bien, mesdames et messieurs, on ne construit pas un projet avec du Tipex. Rudy de Motte à l'occasion de la fête de la communauté française, des propos recueillis par Marie-Paul Jeunhomme. Les difficultés aussi du gouvernement fédéral. Cet après-midi, le ministre des Finances et la ministre du Budget vont devoir s'expliquer sur le trou de plus de 2 milliards dans les prévisions budgétaires pour 2017. Un peu plus tard, en commission de l'économie, la ministre Marie-Christine Marguem devra s'expliquer sur la façon dont elle a géré le dossier Engie Electra. Pour la poursuite de Tihange 1, on lui reproche d'avoir laissé passer la date pour réclamer des sommes importantes aux producteurs d'électricité. 13h07, c'est l'heure de la soupe. Soupe de légumes ou smoothie de fruits si vous êtes déjà au dessert. Ce midi, l'association Good Planète, qui milite pour une meilleure planète, proposait à Mons des recettes spéciales fruits et légumes invendus. Les bénévoles sont allés récupérer les matières premières dans les supermarchés et ça a fait pas mal de rue. Bonjour messieurs, est-ce que vous voulez goûter nos smoothies? Ils sont gratuits. Je m'appelle Clément, je suis collaborateur chez Good Planète depuis un an et demi. Et l'objectif de cet événement festif, c'est de sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire et en même temps peut-être à l'alimentation durable de manière générale. Raisin et t'as mis quoi? Concombre, super. Est-ce que vous, ça vous dérange de manger des légumes et des fruits qui sont un peu abîmés? Pas du tout, on les pluche. Et le légume ou le fruit est très bon et de bonne qualité. Ah non. C'est quand même interpellant, c'est de se dire qu'un tiers de la nourriture qui est produite sur Terre est gaspillée, donc directement ou indirectement. Je dirais qu'un événement comme aujourd'hui, ça permet de se poser la question à plusieurs niveaux. D'abord, dans ma vie au quotidien, est-ce que je prévois bien mes courses? Est-ce que je valorise suffisamment les ingrédients dans la manière dont je cuisine? Mais alors effectivement, le gaspillage dans la grande surface est tellement massif qu'on n'a pas besoin d'une dizaine de supermarchés pour organiser un événement comme celui-là. Et le smoothie, vous l'avez goûté? Oui. Il est bon? Ah, délicieux, délicieux. Un reportage signé Marine Soudorf. Hillary Clinton, Donald Trump repartent en campagne après le débat d'hier soir. Débat suivi par des millions d'Américains. Les premiers commentaires et sondages donnent l'avantage à la démocrate, mieux préparée, impassible, droite, souriante. Hillary Clinton, Julien Cheffredo, a marqué des points hier. Oui, c'est notamment ce qu'indique un sondage mené par la chaîne CNN juste après le débat. Et le résultat est net. 62% des électeurs qui l'ont regardé estiment qu'Hillary Clinton a gagné. Ils ne sont que 27% à penser le contraire, que c'est Trump. Seulement, si on regarde de plus près ce sondage mené auprès de 521 électeurs, eh bien on se rend compte que 41% d'entre eux s'identifient comme démocrates, seulement 26% comme républicains. On comprend mieux. Or, le véritable enjeu, c'est de convaincre les indépendants, les modérés et surtout les indécis. On peut s'attendre malgré tout à ce qu'Hillary Clinton progresse dans les sondages ces prochains jours, mais il reste encore deux débats télévisés. Le prochain aura lieu le 9 octobre et le dispositif sera bien différent. Plus de face-à-face entre les deux candidats, mais des dialogues avec de simples citoyens. Un exercice dans lequel Hillary Clinton, on le sait, est beaucoup moins à l'aise. Elle est souvent jugée trop froide ou trop rigide. A l'inverse, c'est pour Donald Trump l'occasion de laisser libre cours à son bagou et de se poser une nouvelle fois comme le candidat plus proche du peuple que des élites. Deux mots de foot avec la Ligue des Champions. Ce soir, le club de Bruges affronte Copenhague. Il y a 15 jours, Bruges s'était fait laminer par Leicester, 0-3. Les Brugeois ne peuvent donc pas perdre ce soir au Danemark. Copenhague-Bruges, c'est à suivre en direct sur Vivacité ce soir dès 20h45. Avant ça, Anne-Michel Vlouberg, dites-nous comment éviter ce nœud sur la 54 entre Charleroi et Bruxelles. Eh bien, entre Charleroi et Nivelles, hauteur de Buzet, tout de même une bonne nouvelle, puisque eh bien, nous n'avons plus de fil, plus aucune file en direction de Nivelles, ce qui est déjà un problème de résolu, mais un problème tout de même qui reste là, puisque la chaussée est toujours fermée et ça risque de prendre fin seulement vers 20h ce soir. C'est donc un secteur toujours à éviter autant que possible. Alors, itinéraire alternatif venant de Namur ou de Charleroi. Vous continuez sur le 42 vers Mons, à Boisdaine, prendre la 501 vers Familleureux, ensuite le 19h vers Bruxelles et venant de Mons, quitter le 42 à hauteur de Chapelle-Lerlémont et prendre la direction de Bruxelles via la Nationale 59. Par ailleurs, on a un accident impliquant un tram à Bruxelles à hauteur du carrefour de la Chasse, ce qui engendre également de gros embarras de circulation à cet endroit, des ralentissements habituels, des files dans le quartier Montgomery et ce dans les deux sens de circulation. Et puis du côté du ring de Bruxelles, quelques files en circulation extérieure entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard. Et en circulation intérieure, les files se résorbent. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est la vie du bon côté, Cécile Vie-Honoré. Vous allez nous expliquer aujourd'hui comment Michelle Obama a fait pour supporter si longtemps les chaussettes de son mari à côté du bac de linge sale. Voilà. Voilà, voilà. Par exemple. On est toutes un peu des Michelle Obama. Hein. On a toutes forcément en tout cas, ce genre de détails en tête. Oui, hein, il y a toujours un jour où ça arrive, malgré tout. Hein. Merci Manu pour ce journal. L'info revient à 14h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. Excellent quand même l'anecdote de Michelle Obama. Elle en parle même. Elle en parle même à tout le monde. Vous imaginez, donc c'est un petit agacement. Bon, finalement, voilà qui arrive. Même au meilleur, hein. Exactement. Même au meilleur. Surtout au meilleur. Ben surtout au meilleur, voilà. Bonjour à vous Sylvie Loumet et bonjour Serge Dehauer. Vous êtes psychologue et sexologue. Vous allez bien tous les deux? Bonjour. Très bien, bonjour. Pas agacé? Pas trop? Pas encore. Jamais. Un début de journée. Bon, allez. Il m'agace, elle m'énerve. C'est vrai que ça peut résumer un peu ce genre de discours à propos des agacements dans le couple, les agacements conjugaux qui ont beau faire partie du quotidien. Ils irritent, évidemment, à chaque fois, entre petites déceptions et grosse colère, hein, parce que parfois on peut se mettre en grosse colère. Ces agacements sont autant d'occasions de nous rappeler que notre partenaire, eh bien, ne fonctionne pas comme nous. Voilà, et fonctionne voilà. Autrement que nous. Ce serait tellement plus simple et plus confortable s'il agissait comme nous. Hein? En effet. Oui, voilà, mais vous n'êtes pas comme ça. Voilà, donc c'est justement ce que nous pensons tous. Sylvie Loumet et Serge Dehouer, vous êtes tous les deux psychologues et sexologues et vous traitez donc ce sujet en conférence afin d'améliorer le quotidien des couples. Encore une fois, c'est super de faire ça, franchement, mais voilà, comme ça on a les deux devant soi. Et en plus, vous faites ça de façon interactive, il y a des petites scénettes que vous jouez, vous l'avez voulu cool quoi, cool voilà. Détente. On va commencer par une petite scénette interactive. Cool, je ne suis pas sûr. On va essayer. Bon, vous tirez les cheveux tout de suite en fait. On met en scène en quelques minutes une série d'agacements qui sont assez communs dans le couple. Et effectivement, c'est illustratif, c'est humoristique et illustratif. Oui, c'est surtout se reconnaître en disant c'est exactement ça, oui. En tapant du coude l'autre juste à côté en disant tu vois, voilà, c'est exactement ce que tu me fais tous les jours. Donc, et puis il y a de la théorie quand même, on apprend des choses, oui, on apprend à passer au-delà. Il y aura un éclairage théorique effectivement et surtout une bonne part de la conférence consacrée aux pistes de solutions puisque c'est finalement ça je pense qu'on vient chercher lorsqu'on vient assister à une conférence comme celle-là. Évidemment, une conférence dynamique, interactive que vous donnerez donc le 19 octobre à Woluwe-Saint-Lambert, on en reparlera. Bon, on demande aujourd'hui à nos auditeurs de prendre part à la conversation d'aujourd'hui. Venez nous donner des exemples d'agacements conjugaux. Je vois déjà des messages arrivant parlant du tube de dentifrice. Ah ah, qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Il y en a peut-être aussi qui ne raclètent pas la paroi de la douche. Voyez. Sûrement. Alors que la raclette, elle est là. Voyez, les cheveux dans le goulot. La tonte de la barbe aussi, dans le lavabo. Juste rincer un petit peu. Bon, 070 23 33 23, SMS 30 63, venez nous donner un exemple concret. Mais surtout, comment vous faites pour gérer cet exemple concret? Voilà, ne nous dites pas, tous les matins, je râle. Ah oui, je râle tous les matins. Mais demain, essayez d'aller au-delà de ça quand même. Essayez de trouver une solution pour que ça ne se produise plus. Donc, venez vraiment prendre part à la conversation d'aujourd'hui. Les agacements conjugaux et nous tous, c'est parti. La vie du bon côté. Used to be so kind, you forgot that time, didn't you? No, you can't deny, this is the last time, fight against you. No, you can't deny, this is the last fight against you. And music all around, the beat is on the ground, I'm ready for the show. Alice Alice on the Roof. Alice, je suis allée te voir en concert samedi soir avec ma fille de 10 ans. C'était génial. Voilà, c'était à Moucron. C'était en plus la dernière date de la tournée. Franchement, on est content d'avoir des talents belges comme toi. Voilà, et si tu ne m'entends pas, il y a peut-être quelqu'un qui te le dira. J'étais dans la salle et c'était vraiment un super concert. Bon, les agacements conjugaux, les agacements dans le couple, ça se passe comment chez vous? Parce que vous êtes agacé, ne venez pas dire « Oh ben non, jamais ». On est agacé, jamais il y a une chaussette qui traîne, jamais il y a une veste qui traîne non plus. Au lieu de la mettre au porte-manteau alors qu'il passe juste à côté, non, il la jette sur le fauteuil. Et les vêtements s'accumulent. Enfin bref, venez nous donner un exemple, venez nous dire comment vous lui avez fait prendre conscience. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont mis de l'humour aussi, hein, Sylvie Loumet. Qu'est-ce que vous en pensez pour faire prendre conscience à l'autre que... L'humour, c'est un super outil. C'est vraiment une bonne clé. Pour rebondir avec ce qu'il a dit juste avant, oui. Il est rare, de temps en temps, des patients me disent qu'ils ne sont pas agacés. Oui. Mais, alors, en général, c'est la phase de lune de miel qui protège hein, pendant 6 mois à 3 ans. Quelle est belle, ans. Cette phase. Oui. Oh, elle est belle. Le cerveau est aveugle oh, au défaut beau, de l'autre. La lune donc, de c'est miel. Magnifique. Oui. Et puis, si ça persiste comme ça, vraisemblablement qu'il y a un petit peu de refoulement. Ah. On peut faire l'hypothèse qu'il y a un petit peu de refoulement. Ah, bon, refoulement, je note, parce que comme ça, je vous relancerai là-dessus. Refoulement. On va déjà, dans quelques instants, donner une définition de ce qu'on entend par le mot agacement. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire quelque chose. Pour vous, ça veut peut-être dire autre chose. 070-23-33-23, SMS 30-63. Hein? Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Accessoires, aliments, les meilleurs conseils, je trouve tout pour mon chien Croquette chez... AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire? Parce que moi, ce mois-ci avec la rentrée, je peux pas. Non, les fournitures, le cartable... C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Vivacité présente à Certa Brussels Equiden, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi-Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequiden.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Hey, ça va, tige ? Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Samedi 8 octobre, Abraham de Bettencourt, conférencier présente « Vivez vos rêves ». Comment intégrer les principes de réussite? Quels sont les outils pour atteindre vos objectifs? Comment vivre vos rêves et libérer votre potentiel pour enfin oser? Rendez-vous ce samedi 8 octobre à 20h au Centre culturel Ducle. Info sur ccu.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Sylvie Loumet et Serge Dauer, ils sont tous les deux psychologues et sexologues. Ils ont eu la bonne idée de faire en effet cette conférence dynamique, interactive, sur les agacements au sein du couple à Woluwe-Saint-Lambert. Ils méritent, elles m'énervent. Voilà comment on résume un peu votre conférence spectacle, puisque vous l'avez dit, Sylvie et Serge, vous donnez des petites scénettes au tout début pour qu'on soit bien conscient de ce que vous entendez par agacement. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition au mot agacement, Sylvie? Voilà. Alors, il faut savoir que nous avons tous des schémas inconscients qui nous permettent de nous faciliter la vie. Par exemple, si nous mettons la table du petit déjeuner, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Par automatisme, on va prendre les couverts, le verre, le jus. Et puis, c'est au moment où, par exemple, je prends mon bol jaune pour manger mes grandes flex, que le bol ne sera pas à sa place. Et là, alors, ça va susciter, si vous voulez, un effet surprise qui va provoquer de l'agacement. Donc, l'agacement, c'est quoi? C'est une émotion qui va être désagréable, plutôt désagréable, un peu de frustration, un peu de rancœur, etc. Qui va, et cette émotion, qui est donc négative ici, va nous pousser à l'action pour restaurer l'équilibre psychologique. Oui. Voilà, ça c'est l'agacement. Ça, c'est la définition de l'agacement, c'est ça. Oui, bien. Ok, sinon, Serge. Oui, un agacement qui vient d'un écart en fait entre quelque chose que l'on attendait et qui ne se réalise pas. Alors, l'agacement, comme on le comprend, peut parfois être provoqué par l'autre, mais aussi, avec une petite nuance, c'est qu'il nous appartient. C'est la question de existe-t-il des agacements universels ? Alors, je vais prendre un exemple. Exemple. À une réunion, j'ai 10 personnes autour de moi et je tapote comme ceci. Ça ne se voit pas en radio. Je tapote oui, ça fait du bruit, ça m'énerve déjà. Voilà, oui. Ça s'entend. Mais il y a 10 personnes autour de moi, il y en a la moitié qui ne le voient pas et il y en a peut-être parmi celles qui les voient, qui le voit, 2 à 3 personnes que ça agace. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas l'événement en lui-même qui agace c'est parce que mais c'est moi qui introduis de l'agacement face à cet événement. Ça, oui. Donc ce ne serait pas, comme on vient de le dire il y a un instant, il m'irrite, elle m'agace ou ça m'agace, mais je m'agace. Et en fait, je m'agace par le comportement de l'autre. Exact. Je m'agace, en effet. Et ça, c'est très libérateur de savoir ça, de penser ça, parce qu'en fait, la solution à ce moment-là, elle ne dépend pas toujours de l'autre, elle dépend aussi de soi, de ce qu'on peut faire. C'est vrai, on change de place. Voilà, exactement. Par exemple, on change de place. Par un collègue qui, en effet, ou mâchonne son bic, ou bien en train de tapoter sur la table. Oui, hein, de manière un petit peu plus philosophique peut-être. Ce n'est pas un scoop ce que je dis là. Hein. Donc depuis 2000 ans, un philosophe qui s'appelait Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui font le trouble des hommes, mais ce qu'ils en font. Ah, » oui. Donc c'est la manière de vivre ou de penser les événements qui vont faire que, en l'occurrence, ce sera un agacement ou ça ne le sera pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est déjà un bel exemple. Donc venez nous dire peut-être, en effet, comment vous faites pour gérer votre auto-agacement. Puisqu'encore une fois, vous vous agacez de comportement de l'autre. Vous pouvez ne pas être agacé. Mais pourquoi vous êtes agacé ? Parce que vous êtes fatigué ? Parce que vous êtes énervé par autre chose ? Ben voilà, il y a peut-être des raisons aussi. Donc venez nous en parler. Et un auditeur nous a envoyé un message en disant « Ma femme Sylvie ne presse pas le tube de dentifrice de bas en haut, mais de haut en bas. Oh, » Ça m'énerve, il dit ça m'agace. Résultat, c'est toujours moi qui dois faire monter la pâte dentaire en haut du tube. Alors, on vient de l'appeler, il était occupé, il dit malheureusement, je ne peux pas vous parler, voilà, je rentre en rendez-vous. Mais on a trouvé la solution, on a chacun notre dentifrice. C'est voilà. Super. C'est super. C'est une super solution. Oui, on a chacun notre tube, et donc elle fait ce qu'elle veut avec le sien, et moi je fais ce que je veux avec le mien. Mais ce n'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Oui, ici, aussi, oui. L'exemple est magnifique parce que c'est une. Il pourrait continuer à râler tous les jours et puis il s'est dit je vais acheter mon tube à moi. Mais c'est ça. Comme ça m'agace comme pas. Ça, si ça sèche de l'autre côté le tube de madame ou si. Tant mieux pour elle. Voilà, ça l'amuse peut-être d'avoir de la pâte de dentifrice un petit peu séchée. En bouche, qu'elle sèche. Mais il y a des situations où malheureusement on ne sait pas comme ça séparer. Par exemple, ce qui agace souvent, ce sont tous les lieux de proximité. Donc, par exemple, la voiture, c'est un lieu où on peut être plus vite agacé. Ah, on ne sait pas changer de place. Voilà, non, on est bien obligé de vivre à côté de l'autre. Voilà, oui, on est 2, 3, 4. Donc, il y a la question de, par exemple, quelle radio va-t-on écouter ? Vivacité, très certainement. Évidemment. Mais quel volume ? Oui. Et quel chauffage ? Et est-ce qu'on ouvre la fenêtre ? Oui. Et quelle vitesse ? Oui. Et pas de commentaires au conducteur, etc. Donc, tout ça, ce sont autant de petites zones de friction éventuelles. Oui, bon, ben venez nous parler de vos zones de friction à vous. 070 23 33 23, SMS 30 63 50 centimes par message. Juste après Peggy, vous témoignerez. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear, funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no, no. Now's the time to understand. No. Always knew your heart. colle, ça vous agace, ça vous saoule, justement, peut-être. Comme le titre de la chanson, les comportements de l'autre au quotidien. Bon, vous l'avez entendu, hein, définition de l'agacement qui a été donnée il y a quelques instants. Et peut-être que c'est finalement votre comportement à vous qui fait que vous êtes agacé. Bien entendu, c'est pas le comportement de l'autre en soi. L'autre, il fait ce qu'il veut, dans le fond, hein, s'il a envie de faire comme ça. S'il a envie de se mettre sonner son réveil un quart d'heure avant et qu'il se lève un quart d'heure plus tard et que vous, ça vous embête, vous, que vous dites je perds un quart d'heure de sommeil, par exemple. C'est un bel exemple, ça, hein, Sylvie. Ça sent le vécu. Je perds un quart d'heure de sommeil, mais enfin, pourquoi tu mets ton réveil un quart d'heure avant? Parce que moi, j'aime bien avoir un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui. On ne fait pas chambre à part tout de suite, hein, parce que là, c'est. Mais bon, on essaie de régler. On essaie de mettre 7 minutes 30 au lieu de 15. Qui montre bien que l'agacement, en général, il naît entre, au croisement de deux cultures, où en général, il y a une culture qui est plus pour la discipline et une culture qui est plus sur la zen attitude, la décontraction. Oui. Donc, par exemple, oui, peut-être qu'ici, en l'occurrence, celui qui veut mettre le réveil un quart d'heure plus tôt, ben, il préfère se réveiller tranquille. Oui, c'est ça. Savoir qu'il va devoir se lever, mais avoir encore un peu le temps de ne pas rester dans son lit, écouter éventuellement la radio ou que ça. Mais l'autre, il n'a pas envie parce qu'il se dit je vais m'endormir, ça va m'énerver. Moi, m'énerver. Je dors au maximum, et puis à la minute, il faut se lever, je me lève, de toute façon, je me lève militaire. Voilà. Tout à fait, oui. Voilà c'est un ça. Exemple. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah, ça, c'est des solutions. On en a une petite vingtaine en conférence. Oui. On ne saura malheureusement pas toutes les abordées aujourd'hui. Mais oui. Mais je demande aux auditeurs. Oui, mais je demande aux auditeurs aussi ce qu'ils font. Parce que c'est vrai qu'on va pouvoir trouver des centaines d'exemples à la minute, hein, évidemment, puisque ça sent toujours le vécu. On a tous vécu des choses comme ça. Donc, les agacements conjugaux. Venez prendre la parole en nous citant un agacement et en nous donnant justement une solution, en disant qu'est-ce que vous avez fait pour pas que ça vous agace tous les jours. À la même heure, en général à la même heure. 070 23 33 23 par SMS, 50 centimes votre message au 30 63. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. .be Mazda jette, c'est Dewey Car Center et jusqu'au 30 septembre, remise exceptionnelle sur toutes les Mazda de stock et super conditions sur les éditions suréquipées. Plus d'infos, dwcc.be. Mazda jette, c'est Dewey Car Center. C'est Dewey Car Center. Dewey Car Center. C'est la braderie d'automne au Stockel Square. Un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedis et dimanches. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, il y a vraiment tout pour nous plaire. Stockel Square. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Comme tout le monde, vous savez que Spa-Francorchamps, c'est le plus beau des circuits. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un endroit magique pour organiser un séminaire, un banquet de fin d'année, un lancement de produits ou une fête familiale. Spa-Francorchamps, une multitude de solutions pour l'organisation de votre événement. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Oui, monsieur, SFR vous fait une offre mobile à 25€ par mois à vie. Mais non. Appelez-vous dans le futur et vérifiez. Allô? Michel, c'est moi. Enfin, c'est toi, mais du passé. C'est quoi ces histoires? Je paye pas mon forfait 25€ par mois pour qu'on me fasse des blagues débiles. Ok, je le prends. L'offre mobile de SFR, c'est du bonheur pour toute la vie. Appel et SMS illimité plus 6Go de data pour seulement 20€ par mois pendant 6 mois, puis 25€ par mois à vie. Plus d'infos sur sfr.be. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. La vie du bon côté sur Vivacité. Sylvie Loumet, Serge Dauer, ils sont avec nous tous les deux parce qu'ils sont psychologues, sexologues, parce qu'ils reçoivent en couple ou de façon privée aussi, hein, en consultation privée ou consultation couple, bien sûr, sur les agacements conjugaux. Il y en a qui viennent vraiment en disant « Ah, ce tube de dentifrice... » Je ne dirais pas que... Non, c'est l'accumulation, quoi. Voilà. Hein. À un moment donné, l'accumulation d'agacements peut créer de la satisfaction. C'est l'accumulation. Parce qu'on a le sentiment de ne pas être entendu. Or, le couple, en général, on a le sentiment, on recherche cette écoute et cette reconnaissance. Et donc, c'est vrai que si on a l'impression de prêcher dans le désert, ça crée de la satisfaction par rapport aux attentes qu'on a d'un couple. Et l'agacement peut dégénérer en disputes, en véritables conflits, qui alors peuvent vraiment dégrader, miner la relation. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est plus souvent pour ces raisons-là que les couples consultent à ce moment-là. Oui. Au téléphone, les gens ne nous disent pas, on téléphone, on voudra un rendez-vous parce que nous sommes agacés, nous nous agaçons nous-mêmes, c'est pas ça. Mais par contre, quand on les a en consultation et qu'ils évoquent les problèmes, parfois ils rejouent la scène devant nous, il y a aussi une grosse partie qui sont finalement débroutis, des petits agacements. On va essayer de joindre Josette, qui parle de son mari qui ne débarrasse pas les verres et les tasses. On voit une autre, je vois aussi un autre message d'une personne en couple depuis 2 ans et demi. Non, en couple depuis 1 mois. Voilà, ils sont amis depuis 2 ans, en couple depuis 1 mois. Elle parle de différence. On va essayer de la joindre aussi. J'ai envie de tout lire, hein. Donc je lis aussi ceci. Sylvie, mon homme fait toujours des proutes. Je ne m'habitue pas à ça. Ça m'agace toujours. S'il proute 10 fois par jour, c'est 10 fois que ça m'agace. Rien à faire. Je peux comprendre, personnellement. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agacement peut provoquer le dégoût. Ah voilà. Oui, ça c'est... Voilà. J'avais envie de pas vous faire parler de refoulement, finalement. Oui, oui. On est dans le sujet, là. Oui, mais... c'est difficile de refouler, quand même, quand c'est nauséabonde. Mais effectivement, donc... Vous avez parlé du refoulement, non, mais c'est vrai. Alors, allez, prenez cet exemple-là aussi, hein, si vous voulez aller. Il y a un peu de choses. Donc, par rapport au dégoût, c'est clair que le dégoût peut amener le désamour. Déjà. Donc voilà, ça c'est quand même attention, vigilance. Déjà. Parce que vraisemblablement que son mari ne se permettrait pas de se laisser aller n'importe où avec ses collègues, par exemple. Donc elle peut à un moment donné se dire, voilà, il a des comportements un petit peu primaires uniquement avec moi. Et par ailleurs, effectivement, le refoulement, c'est une technique qui est quand même pas mal utilisée, sans doute plus à certains moments ou par certaines personnes. Mais le refoulement, il va être soit tout à fait bien réussi, et donc on refoule tellement bien qu'il n'y a aucun agacement, soit il va être partiellement réussi, et à ce moment-là, on risque de déplacer le problème à un autre plan. Par exemple, les femmes sont assez connues pour pouvoir déplacer sur le plan de la sexualité. Et donc, par exemple, madame aura moins envie de faire l'amour le soir. Peut-être. Si pendant la journée, il y a toutes des sources d'agacement. Peut-être. Je pense vraiment que le refoulement n'est certainement pas une très bonne solution. Le refoulement, c'est un petit peu comme un poison que l'on avale. Comme si je me promène en forêt et que je vois des beaux fruits rouges, que je les absorbe, que je les mange, et je me rends compte que c'est du poison, mais je vais vomir cet objet parce que c'est du poison pour ma santé. Le refoulement, c'est un petit peu ça, c'est du poison qu'on avale, et ça peut faire des maladies, c'est très sérieux, ça peut faire de l'eczéma, que sais-je. Alors, dans le cas des agacements, c'est pas la solution que nous proposerions, bien évidemment, c'est de dire refouler. Non, on a compris que c'est pas une bonne idée. Peut-être qu'une piste pour sortir du refoulement, c'est de... Parce qu'il peut être conscient ou inconscient, de toute façon, mais s'il est conscient, on peut à ce moment-là faire des demandes à l'autre. On peut communiquer, on peut parler, on peut expliquer les choses. En tout cas, ne pas garder en soi. Mais c'est ça, c'est surtout ça. Josette, bonjour. Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous communiquez, Josette? Parce que vous dites, quand je rentre chez moi après le boulot, mon mari n'a rien débarrassé. Et tout traîne, les tasses, les verres, les assiettes, tout traîne. Et vous dites, quand vous le faites savoir, ça tourne souvent en dispute. Vous... Ah ben voilà, c'est comme ça, parce qu'à peine je dis, mais qu'est-ce que t'as foutu là? T'as posé tout attends. Mais non, j'attends depuis, c'est combien? S'il a bu 3 tasses de café, franchement, quand je rentre, je vais trouver les 3 tasses. Si c'était, il s'est servi de tout. Donc s'il a fait la cuisine, qu'il a utilisé 3 cuillères, et je vais trouver les 3 cuillères bien alignées. Bon, déjà, il a fait la cuisine, Josette. S'il a fait la cuisine... Oui, il fait la cuisine, mais elle ne débarrasse jamais, ça c'est sûr. Bon, ça mais déjà, il fait la cuisine. Ça vous énerve. Quand il dit attends, ça veut dire qu'il va le faire plus tard. Pour lui, il va le faire plus tard. Il ne va pas le faire, il va râler. Ah ouais. Et tous les jours, c'est comme ça. Et tous les jours, il sait très bien que vous allez râler, en plus. Il sait très bien que vous allez rentrer du boulot, vous allez râler sur ça. Ah ouais, non, il sait. Moi, je me dis, c'est question d'habitude, mais bon, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours ce qu'il fait. Donc, quand je rentre, je trouve comme ça. Mieux vaut pas encore parler pour éviter les disputes après une grosse journée. Eh bien, je le ramasse moi-même. Eh bien, voilà.

je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant. Au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. Je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Renan Luce avec la lettre sur Vivacité. Dans la vie du bon côté aujourd'hui, nous parlons des agacements conjugaux parce qu'il y a ce spectacle qui sera donné, ce spectacle, cette conférence dynamique qui commencera quand même par des petites scénettes. Vous serez un peu en spectacle. Vous vous appellerez Roméo et Juliette dans le spectacle, Sylvie et Serge. Oui. Qui est Roméo ? Votre avis. Je ne sais pas, une chance sur deux. Bon, Roméo, c'est vous bien sûr. Juliette, c'est vous, Sylvie. Le mercredi 19 octobre à 20h à l'hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert. Bon, on a eu Josette il y a quelques instants, qui nous parlait donc de cet agacement qu'elle ressentait, qu'elle exprimait aussi en rentrant du boulot, parce que monsieur a cuisiné quand même. J'ai même relevé, hein, Sylvie. Il a cuisiné. Hein, voilà. C'est déjà une bonne stratégie. C'est déjà pas mal. Donc déjà, peut-être commencer en disant, c'est bien mon chéri que tu as préparé à manger. Souligner positif, malgré tout. Voilà, mais... La prochaine fois, qu'est-ce que vous diriez, vous, Serge ? Oui, en fait, la table n'est pas débarrassée, hein, si j'ai bien compris. Mais est-ce que c'est le problème ou est-ce que Josette voudrait qu'il débarrasse ? Oui, je pense que c'est ça, l'idée. Ah oui ? Donc le problème vient souvent du fait qu'on veut que l'autre fasse ceci ou cela. Mm-hmm. Donc la question, c'est est-ce que je veux une maison bien rangée ou est-ce que je veux qu'il ou qu'elle range sa tasse ? Parce que si je veux une maison bien rangée, c'est pas très compliqué, en fait. Hein. Je vais prendre la tasse et je vais la mettre dans le lave-vaisselle. Si je veux qu'il l'a ou qu'elle l'arrange, là, effectivement, je vais provoquer une forme d'agacement. Parce qu'en général, quand on veut que l'autre, il dit « Attends, tu rigoles ou quoi ?» D'ailleurs, il dit « Attends hein ». Il lui dit « Attends. Mm-hmm. » Donc voilà, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne. Vouloir que l'autre, c'est quelque part une forme de tyrannie, ou en tout cas, c'est un mode de communication qui, on doit bien l'avouer, ne fonctionne pas. Je reviens sur l'idée de faire une demande, bien sûr. Peut-être que dans cet exemple, on pouvait aussi voir une autre forme de solution qui était de se spécialiser au sein du couple. Donc c'est que l'un prenne en charge, par exemple, de faire la cuisine ou de faire les courses, l'autre fait la cuisine et l'un met de côté, l'autre débarrasse. Donc c'est effectivement d'éviter certaines formes d'agacement en se répartissant très clairement les tâches à effectuer. Oui. Et chez Michel, ça se passe comment ? Michel, bonjour. Oui, bonjour. C'est toujours une question de vaisselle, hein ? Oui, mais c'est presque un petit smiley, mais c'est pour dire qu'il y a moyen de s'arranger de cette manière-là, puisque moi j'ai une femme qui ne supporte pas de mettre une vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Donc elle doit d'abord être lavée, enfin ou essuyée en tout cas. Non. Bref, alors c'est très amusant. Donc finalement, les enfants et moi, on a compris, et déjà, elle préfère ça, donc elle s'occupe de mettre la vaisselle dans propre. La vaisselle. La vaisselle propre voilà. Dans la vaisselle. Voilà, exactement. Et donc, comme ça, on est tous contents. Et sinon, c'est vraiment pas possible. Mais bon, voilà, c'est un peu amusant. Et c'est une manière de trouver une solution. Et finalement, bon, tout le monde est content. Il n'y a pas un jour, quand même, où vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude, ou un enfant un peu, vous voyez, qu'il n'y a pas quelqu'un, quand même, qui dit, mais enfin, hein, la vaisselle, c'est pour laver la vaisselle sale. Donc, non, il n'y a jamais, il n'y a jamais. Si, mais bien sûr, mais bien entendu. Quand même, parce qu'on en rigole. En riant. Finalement, tout le monde dépose les vaisselles autour de... Enfin bref, autour du lave-vaisselle, et voilà. Et puis elle s'amuse à se frotter. Chacun a son. C'est une sorte de rôle. Tic finalement, puisque c'est assez amusant parce que quand on ouvre le lave-vaisselle, on doit essayer de savoir si le lave-vaisselle a tourné ou s'il doit tourner. À ce point-là. Oui, mais c'est très drôle. Mais bon, ça fait partie. Mais bon, mais ça, en fait, ce n'est plus une source de conflit puisqu'il est géré. En les laissant mettre les affaires dans les contentes comme ça. Donc chacun a son truc. Bah c'est super, vous voyez, finalement, il a mis de l'humour, Michel. Enfin, oui, bien sûr, et puis c'est madame qui le fait. Donc elle exige que ce soit fait. Parce non, c'est pas elle qui le fait, hein. C'est lui et les enfants. Michel, c'est vous et les enfants. Ah oui, vous mettez autour et que madame met dans la vaisselle. Michel. Non, mais non, c'est elle qui met dans la vaisselle. Ah oui, c'est ça. Qui a frotté les assiettes. Nous, on met dans les éviers. Ah, j'ai compris, d'accord. Ah oui, donc madame le fait. Et elle est contente. Voilà.

être au bout face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Avec vivre ou ne pas vivre, vivre ou ne pas vivre des agacements conjugaux. Bah, vous en vivez, ça c'est sûr. Ne plus les vivre, en tout cas, de la même façon. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là. C'est même pour cela qu'ils sont là, assurément. Sylvie Loumet et Serge Dehauer qui donneront donc cette conférence dynamique parce qu'ils entreront aussi un peu en scène. Voilà, ils mettront un peu des sujets sur scène, des petites scénettes qui parleront des agacements conjugaux. Et puis, à partir de ces exemples-là, vous donnerez donc des solutions, les agacements au sein du couple. Ce sera le 19 octobre à 20h, hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert. Samuel qui nous a écrit « Ma femme ne m'agace pas tout simplement parce qu'elle est parfaite ». On a été mauvaise langue, hein, Sylvie. On a dit ils sont certainement dans la lune de miel. Il vient nous faire un message, Sylvie. Non, pas deux jours que je la connais. 30 ans de mariage. Incroyable. Et toujours aussi amoureux, dit Samuel. Pas agacé du tout, Samuel. Je veux que vous nous appeliez. Oui, je veux que vous nous appeliez pour nous dire comment vous faites pour pas jamais, jamais, jamais être agacé. Jamais, jamais. 3063, Samuel, où vous nous appelez, 070 23 33 23. Je veux vous entendre. Juste après le flash de 14h, on ira aussi dans l'Luberon parler avec Adrien Jovenot. Et puis on vous parlera encore et toujours de cette journée du 30 septembre ici à Mons et de la soirée atelier conférence du 6 octobre à Liège, puisqu'il reste des places si vous souhaitez nous rejoindre. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour ça. Bon, l'info arrive, à tout de suite. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overhays, chaussée de Bruxelles 341. Ce sont les jours extraordinaires en septembre. Découvrez la nouvelle Alpha Giulia, la nouvelle famille Fiat Tipo, les nouveautés Abarth et la nouvelle Spider. Conditions spéciales au Garage Merckx à Overhays. La foire du verre de l'âne. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au centre sportif de l'âne. Info foireduverre.eu. Avec vivacité. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.EU. Excellent après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est Justine Hermans qui nous informe. Bonjour Justine. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Le conseil mobilité du jour reste le même. N'empruntez pas l'autoroute A54 aujourd'hui de Charleroi vers Nivelles. Elle est fermée jusqu'à au moins 20h. En cause, un accident entre deux camions tôt ce matin. Du mazout et des graviers se sont répandus sur la route. Les automobilistes sont restés coincés plusieurs heures. Pour sortir du bouchon, la police leur a fait faire demi-tour sur l'autoroute. Une autoroute qui reste donc fermée au moins jusqu'à ce soir. Ne prenez pas cet itinéraire donc tout à l'heure à l'heure de pointe. Autre souci, mobilité à Etterbeek en région bruxelloise. Un accident impliquant un tram s'est produit au carrefour de la Chasse. Les pompiers et les ambulances sont sur place. Pas plus d'informations pour l'instant. La ministre de l'Énergie attendue de pied ferme aujourd'hui à la Chambre dans les minutes qui viennent. Marie-Christine Margim va venir s'expliquer sur une taxe nucléaire qu'elle aurait oublié de réclamer à Electrabel. Taxe que l'électricien est censé payer pour le prolongement de Tihange 1. On parle de 3 millions d'euros. Est-ce assez ? A-t-elle réclamé à temps ? La ministre de l'Énergie va devoir s'expliquer et fournir plusieurs documents. 9 ans de prison, c'est la condamnation d'un djihadiste malien jugé coupable de la destruction de mausolées à Tombouctou au Mali, des mausolées classées au patrimoine mondial de l'humanité. Les juges de la Cour pénale internationale ont rendu leur verdict aujourd'hui. 3 explosions ont fait au moins 17 morts et plus de 50 blessés à Bagdad en Irak. 2 kamikazes et une bombe sont à l'origine de ces attaques. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué une des 3 explosions. Le typhon Megi a touché la terre à Taïwan. 50 personnes sont blessées, des milliers d'autres sont évacuées. Des centaines de vols ont été annulés. Ce typhon, c'est le 3e qui déferle sur Taïwan en 2 semaines. En sport, Bruges remonte sur la pelouse européenne ce soir. 2e match en Ligue des Champions. Un déplacement à Copenhague et les Brugeois sont sous pression après leur défaite face à Leicester. Ils doivent affronter une solide équipe danoise. Une rencontre à suivre sur Vivacité dès 20h45. La météo, profitez bien du soleil aujourd'hui, des températures agréables de 18 à 22 degrés. Le temps devrait se gâter en fin de semaine. La pluie est attendue vendredi. RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Blouberg. Et donc l'autoroute A54 est à éviter aujourd'hui. Effectivement, donc sur ce tronçon Charleroi-Nivelles, la chaussée est donc toujours fermée à hauteur de Buzet avec pour conséquence eh bien, une fermeture qui durera quand même jusqu'à 20h ce soir probablement. Mais je vous rappelle que, donc, que l'on n'a plus de fil à cet endroit en direction de Nivelles. Itinéraire alternatif toujours, si vous venez de Namur ou de Charleroi, vous continuez sur le 42 vers Mons, à Boisdaine, vous prenez la 501 vers Familleureux, ensuite le 19 vers Bruxelles et puis si vous venez de Mons, vous quittez le 42 à hauteur de Chapelle-Herlaimont et vous pouvez prendre la direction de Bruxelles via la Nationale 59, donc un secteur à éviter autant que possible. Par ailleurs, on a toujours les suites de l'accident impliquant un tram, donc comme vous le disiez, à Bruxelles, autour du carrefour de la Chasse, ce qui engendre encore quelques embarras de circulation. Suite de l'accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure, à hauteur de Zaventem, il y a des files depuis Woluwe-Saint-Etienne, vous perdez là une 30aine de minutes en direction de Grand-Bigard et quelques files en circulation intérieure entre Grand Bigard et Wemel vers Zaventem, vous perdez une dizaine de minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Est-ce que les petites manies de votre conjoint vous ennuient peut-être ? Et pour mieux gérer ça, eh bien restez sur Vivacité. On vous en parle dans La Vie du Bon Côté exactement avec Sylvie Honoré. Ça. C'est exactement ça, Justine. Merci beaucoup. L'info revient à 15h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Comment ne plus être agacé par, en effet, les attitudes au quotidien de son conjoint? Comment ne plus subir et vivre les agacements conjugaux? Eh bien, en partant une semaine dans le sud, en Provence, par exemple, dans le Luberon. C'est toute l'équipe d'Adrien qui est sur place avec tous les beaux héros du Ravel. Alors, que lis-je sur le programme du jour, mon cher Adrien? Visite de la maison de la truffe, de la maison du vin, du musée du tire-bouchon et de la cave. Et à mon avis, vous terminez de pique-niquer là en ce moment. Mais vous savez tout. Mais j'ai le programme sous les yeux. Nous sommes installés dans les vignes du domaine de la Citadelle. Nous sommes sur les terres de la famille Rousset-Rouard. Alexis, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois vigneron et conservateur d'un petit musée très sympathique. Oui, alors le conservateur, c'est plutôt mon père, c'est lui qui est à l'origine de la collection. Et c'est vrai qu'au sein du domaine, on a donc une collection un peu unique. Voilà, de tire-bouchons, on vient de fonctionne. Il fonctionne bien. Il y a combien de tire-bouchons dans le musée? Voilà, une collection un peu unique de 1200 tire-bouchons. Ah mais c'est pas mal. Vous parliez d'embouteillage, hein, Sylvie, juste avant de reprendre l'antenne. Ben, il faut venir ici, on débouche, hein, y a pas de problème. Votre papa est producteur de films aussi. C'est lui qui a produit toutes les Emmanuels. Enfin, qui a produit les Emmanuels, c'est un peu drôle de dire ça, mais qui a produit les films Emmanuels. Et puis la saga des Bronzés. Oui, ben, on ne peut rien vous cacher. Donc oui, avant d'être producteur de vin, il était producteur de films. Voilà. Bon, il n'est pas là pour en parler, là, mais il sera samedi. Il nous rejoindra peut-être tout à l'heure, effectivement. Ouais. Alors, vous êtes aux vignes pour l'instant. Est-ce que c'est déjà la période des vendanges chez vous? Oui, ça a démarré comme chaque année début septembre et on est en train de vous sentez, on est en train de terminer là. Je pense que c'est la dernière semaine. On termine avec des beaux grenaches et des mourvèdres. Voilà, un très beau millésime. Ça manque un peu de jus. On a eu un été assez sec, mais très très beau millésime. Oui. Magnifique. Alors, parmi les vins que vous produisez, je vois le court-métrage. Donc ça, c'est un petit clin d'œil cinéma, c'est pas pareil. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu lui faire il y a quelques années en récupérant des vignes à côté de chez nous. C'est sur des sols très sablonneux, donc ça donne des vins assez gourmands, faciles, plaisants, et je trouvais que ça allait bien avec justement ce nom de court-métrage. Ouais, est-ce que ce vin vous a plu, les garçons? Très très bon vin. Belle structure, un goût extraordinaire, une explosion d'essence. On n'a pas fait que boire, on a aussi mangé quand même un petit peu lors de ce pique-nique, Maxime. Ben oui, puisque votre papa, il a produit un petit peu les visiteurs. On a bien festoyer, on a mangé la bripaille, messire taillot, on a eu du porc, on a eu de la ratatouille provençale. C'est excellent, messire. C'est vrai qu'on a des imitateurs dans le groupe, et là, c'est votre cousin, c'est Christian Clavier, là. Oui, alors, bon, les visiteurs n'ont pas été produits par mon père. Hein. Mais les bronzés. Mais en revanche, Christian, il jouait dedans, effectivement. Monsieur l'imite très bien. Oui, c'est pas mal. Bon, Sylvie, cet après-midi, on va reprendre la route. C'est la dernière étape à vélo. Demain, ce sera quartier libre dans la Cité des Papes. Et on va prendre la direction d'Avignon. Mm-hmm. En ce jour de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y aura une réception officielle au Théâtre des Dons pour l'arrivée de l'échappée belge. Mm-hmm. Avignon, donc, merci. Si vous êtes dans le coin, là-bas. Oh bah oui, hein. Avec bah, plaisir. Bien sûr. Chine. À votre santé, Sylvie. On relève une dernière fois. Ah oui, c'est un bruit assez sympathique. Et on lève notre verre à la santé de toute la Belgique. Bonne fête de la communauté française à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci. Adrien. Et vive en effet cette échappée belge qui se termine malheureusement, mais sans aucune fausse note. Bon, on reprend un peu le fil de la conversation d'aujourd'hui. Ces agacements conjugaux. Venez encore une fois nous donner des exemples peut-être, et surtout ce que vous mettez en pratique, ce que vous mettez à l'honneur dans votre couple pour essayer de ne pas être trop agacé. Allez, Julie nous écrit à l'instant: mon mari m'agace, Sylvie, lorsqu'il rentre du boulot et remplit sa table de nuit de vêtements quand il se déshabille. Et je ne vous dis pas les chaussettes et les chaussures que je dois ranger, j'en ai marre. Il remplit sa table de nuit de vêtements. Mais c'est une habitude. Mais il est cash en fait. Il est cash. Il est cash. Ça, c'est... ça j'avais jamais entendu quand même, hein, mettre des vêtements sales dans la table de nuit. Jamais. Eh bien, mettez la manne à linge juste à côté de la table de nuit. Comme ça, il ne devra pas changer son parcours. Ce sera sur son chemin et il pourra mettre le linge. Hein? C'est à essayer. De mettre juste à côté, quoi. Pourquoi pas? En fait, j'ai jamais entendu ça, je lis. 070 23 33 23, SMS 30 63. Serge De Hoer et Sylvie Loumet sont avec nous pour parler de cette conférence qu'ils donneront donc le 19 octobre. Puis on aura une autre aussi, le 14 octobre, dans la région de Liège. On vous en reparle. Adèle, avec cette chanson, elle a beau chanter de belles chansons, Adèle, elle a certainement des petits agacements dans sa vie conjugale. Hein. Certainement. Même Mathilde et Philippe. Vous pensez? Sûrement. Vous pensez que Philippe ne range pas ses chaussettes sales? Je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, mais... Philippe est parfait. Ce serait bien de les avoir en témoignage. Hein, genre un peu, qu'est-ce qui se passe dans... Oui, au palais royal, au niveau des agacements conjugaux, quelles sont les manies de l'un et de l'autre. Bernie, dans quelques instants, s'exprime. Bernie, elle a des choses à nous dire. Et vous aussi, Sylvie et Serge, on parlera aussi dans quelques instants du langage non-verbal. Vous savez, quand on lève les yeux au ciel, ou quand... oui, c'est pas mais le langage non-verbal, c'est une forme de communication qui simplement différente. Ça dérange parfois beaucoup plus qu'un mot. Oui, d'abord, ça permet de libérer soi-même une émotion que l'on contient. Et effectivement, le but, c'est aussi de pouvoir faire passer un message, de faire comprendre quelque chose. Mais c'est le langage du corps. C'est comme parler, c'est la même chose, et ouais. ça évite le refoulement. Ouais. Donc c'est le même principe. Oui. Oui, oui, c'est vrai que le langage non verbal, c'est à son importance. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, on peut le déplacer sur un autre plan. Et par exemple, sur le plan de la sexualité, en faisant voilà, la grève du sexe, par exemple. T'as pas rangé ta assiette? Oui. Eh ben non. C'est ça, mais ce n'est pas si clair que ça en général. Ça se dit pas comme ça. Oui, en général, ça se dit pas comme ça. Ce serait trop beau que ça se dise comme ça. En parlant de ça, vous donnez, donc c'est vrai que je parle de cette conférence le 19 octobre parce que là, vous serez tous les deux, hein, sur les agacements au sein du couple, mais au centre culturel de Remicourt, vous serez toute seule, Sylvie, pour une conférence dynamique animée par vous-même sur les jeux et les enjeux du désir conjugal. Absolument. Ça rejoint un petit peu ça aussi, quoi. Voilà. Ouais. Donc, l'idée ici, c'est aussi d'être dans une présentation dynamique et sympathique, quelque chose de vulgarisé, mais d'accessible. Et donc, je vais parler des blocages généraux par rapport au désir conjugal, après avoir fait un tout petit peu de théorie et une toute petite perspective historique, mais tout ça est assez bien emballé. Et puis, il y aura, pour la première fois, bien que ce soit la 6e édition, pour la première fois, il y aura à l'entracte un buffet désir, sur le thème du désir. Donc moi j'ai vu le menu et je crois que franchement ça met l'eau à la bouche. Et puis la deuxième partie sur les solutions pour booster le désir conjugal dans l'intimité de la chambre à coucher. Et puis après, fontaine au chocolat pour tout le monde. Et lors du buffet désir, personne ne débarrasse, on peut tout laisser comme ça. C'est ça qui est génial, pas d'agacement en vue. Pas d'agacement en vue. Bon, Bernie, dans quelques instants, elle nous parle du réveil. Ils ont trouvé une solution pour ne pas se réveiller, voyez, l'un avec ça, l'autre avec ça, l'un à cette heure-là, l'autre à cette heure-là. Bernie nous en parle dans quelques instants. Super. Château des Thermes. Le Château des Thermes vient d'enfiler sa tenue de gala. Un nouveau cadre exclusif, unique en Belgique. Soyez privilégiés et réservez un séjour au Château des Thermes de Chauxfontaine. Info sur châteaudesthermes.be. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Il y a des dimanches d'automne qui sont longs. Et pour ça, il y a un remède. Les week-ends portes ouvertes Espace Mode. Ce dimanche 2 octobre, c'est Sunday Shop Day. Dans toutes les marques, pour toute la famille. Espace Mode présente toutes les nouvelles collections automne. Et les nouveautés ne cessent d'arriver. Espace Mode est ouvert ce dimanche 2 octobre de 10h à 17h. Espace Mode à Perroué et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Envie de vous balader seul, en famille ou avec vos amis? Avec l'ADEPS, participez au Super Point Vert le samedi 1er octobre en marge de l'Etias Trophy à Mons. Des marches, des animations sportives et de l'amusement garanti. www.sport-adeps.be. Avec Vivacité et les éditions de l'avenir. On parle des agacements conjugaux aujourd'hui. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec Sylvie Loumet, avec Serge Dehouer, qui seront donc en conférence dynamique le 19 octobre à l'hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert. Vous recevez donc en consultation tous les deux à Liège et à Bruxelles. Hein, voilà, donc Liège et Bruxelles. Les renseignements sont sur votre site, Serge, que j'ai mis aussi sur la page Facebook. Bernie, bonjour, bienvenue Bernie. Oui, bonjour. Le réveil. Vous avez trouvé donc une solution pour le réveil, Bernie. Oui, tout à fait. Donc voilà, mon mari se levant beaucoup plus tôt que moi à 4h du matin, j'ai mon réveil radio. Donc voilà, lui se réveille avec la sonnerie et moi avec la musique. Donc est-ce que le cerveau l'a enregistré? Je n'en sais rien, mais en tout cas ça marche. Lui s'éveille à 4h, je n'entends rien. Et rien. Moi automatiquement avec la radio, la musique, Vivacité entre autres, je l'entends et je se réveille sans problème à 2h de différence. Mais il y a quand même beaucoup à mon avis de personnes dans le couple qui ont deux réveils. Hein. Donc ça, mais vous avez raison. Déjà, le fait de, mais que vous n'entendiez rien, ça c'est bien, Bernie. Hein, oui, non, non, j'entends rien. Non. À mon avis, je ne sais pas, voilà. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a d'autres agacements. Voilà, je l'ai vu. Il y a d'autres agacements, dites-moi. Oui, oui, bon, entre autres, le linge, comme on en parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, ben, les chaussettes mises à l'envers, en boule. Ben moi, voilà, j'ai décidé, je sépare le linge, mais les chaussettes en boule sont lessivées en boule. Et tant pis, c'est comme ça. Donc, quand elles sont pendues, je les retends, elles se détendent de toute façon lavage. Je les pends, mais il y en a une à l'envers, une à l'endroit. Je les mets en enceinte, naturellement. Mais voilà, ben, lui, le matin, quand tu les mets, ben, c'est à lui de les remettre à l'endroit s'il a envie. S'il n'a pas envie, ben, tant pis pour lui. Quoi. Oui, mais elles ne sont pas bien lavées, alors, Bernie. Ah si, il n'y a pas de souci. Écoutez, franchement, quand je les sors de ma machine, tout est défait, il n'y a pas de souci. Non, parce que sinon, voilà, c'est infernal. La chaussette sale, ben non, c'est pas trop pour moi. Donc, déjà, la détacher du slip, c'est déjà bien. Mais alors, en plus, la remettre à l'endroit. Non, donc voilà, j'ai décidé, il est au courant, je lui ai dit, mais franchement, quand ça sort de la machine, elle est bien, bien retendue et je les pends, voilà. Mais une à l'envers, une à l'endroit, suivant comment elles se sont mises. Ça va, et y a pas de soucis. Ça va faire beaucoup moins rire quand vous allez dire que vous avez parler de ça devant des milliers de personnes, hein, Bernie. Oui, en même temps, Bernie, on a quelques-unes. Oui, bon. Il s'appelle comment? Non, ne le dites pas. Non, il n'y a pas de problème. voilà. Ben voilà. On assure. Oui, ben, vous savez bien, j'espère qu'il assure aussi, qu'il assume. Sylvie. Oui, c'est une super stratégie. Comme ça, elle ne s'agace plus. Ah non. À devoir chaque fois aller mettre sa main dans la chaussette dégueulasse, je vois bien ce qu'elle subit. Oui, tout à fait. Je crois que je vais prendre votre truc d'ailleurs, si vous me permettez, madame. Et une autre, une autre clé ici que Bernie évoque, c'est le fait simplement qu'elle a diminué le niveau des attentes. Donc peut-être que si les chaussettes sont un petit peu moins nettes, parce que peut-être effectivement en étant retournées, elles sont un petit peu moins nettes, tant pis, et tant pis pour lui. Bah oui. Donc finalement, elle ne s'agace plus et monsieur voit le résultat. Et si à force de devoir retourner lui-même la chaussette et de voir une différence entre l'envers et l'endroit, va peut-être le motiver quand même un jour. Oui, peut-être pas. Et peut-être aussi quelque chose de l'ordre de relativiser, hein, puisqu'il y a des choses finalement plus importantes dans la vie. Une chaussette à l'endroit, une chaussette à l'envers finalement. Oui, ça c'est vrai en disant. Oui, mais bon, quand ça arrive tout le temps, hein, Serge. Franchement. Sur le moment même, on ne se dit pas qu'il y a des choses plus importantes, vous voyez. Et les boutons des chemises qu'on ne défait pas. Et les chaussettes trouées avec les chaussettes qu'on enfile, voilà. Qu'on ne jette pas, oui. Bon, allez, d'autres agacements, d'autres exemples. 070 23 33 23, SMS 30 63. Le langage non-verbal, ben, venez nous dire aussi, tiens, si vous l'utilisez, le langage non-verbal, et si parfois ça se répercute en effet dans le lit, tout ça. Parce que c'est ça, finalement, s'ils font des conférences sur le sujet, s'ils vous reçoivent en consultation, Serge et Sylvie, c'est pour éviter que ces petits agacements au quotidien ne prennent des proportions trop grandes. Voici Johnny. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouir mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour vous. Oh, oh, oh, oh. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais, dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour, il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. Tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Elle est très belle, hein, cette chanson de Johnny avec Marie sur Viva. Les agacements conjugaux, ils m'irritent, elles m'énervent. Les agacements au sein du couple, venez prendre la parole par rapport à ça. Si vous souhaitez aussi nous donner des solutions, vous donner des solutions, juste prendre conscience en nous écoutant depuis 13 heures qu'en effet, ça vous concerne et que, qu'inconsciemment, vous râlez sans même vous en rendre compte. Et voilà, il y a peut-être des domaines de prédilection aussi dans lesquels vous râlez plus que monsieur pareil. Hein. Mais dans quelques instants, on fera quand même une différence homme-femme. Je pense que ça s'impose en disant qu'on a peut-être, nous les femmes, c'est vrai, on l'avoue, un seuil d'irritabilité un peu bas, ça veut dire. Oui, c'est ça. Plus vite atteint, voilà. Plus vite irrité. C'est comme ça. Mais on a des raisons. Oui. D'ailleurs, on le prouvera scientifiquement dans quelques instants. Tout à fait. On a des raisons. 070 23 33 23 SMS 3063. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus malus descend deux fois plus vite, non? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus malus... Non, elle n'a pas dû comprendre la question. Et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Profitez maintenant de l'action automne, des milliers de carrelages à petit prix. .be. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre, ce sont les Beauty Days à la Galerie en SPAC. 2 jours d'animation et de workshop beauté pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Que du bonheur. Les 1er et 2 octobre, souriez car vous recevrez aussi votre photo et gagnerez peut-être des cadeaux. Plus d'infos sur Facebook en SPAC Shopping. En SPAC, the new place to live and shop. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. On est en train avec Sylvie de faire une liste de ce qui agace, c'est marrant, parce qu'il y a des sujets qui agacent le plus, des objets qui agacent le plus, on est en train de se dire le papier alu mal découpé, le film plastique qu'on a arraché, voyez, qu'on a arraché, oui. qui est parti en tire-bouchons. Ou qui se renroule, et le papier alu. Donc ça, c'est vraiment des objets, alors, des objets qui sont qui oui. agacent. Par exemple, les ciseaux qui ne sont attitudes. Pas à leur place, puisque c'est des oui. objets partagés. Mais en où fait, sont les ciseaux? Tous les objets partagés. Tous les objets partagés, la cuisine, oui. salle de bain. C'est ça, oui. les brosses à cheveux aussi, on prend les mêmes, oui. la balance, elle est pas à sa place. La clé de la voiture, oui. si la voiture est commune. Oui. Tous oui. les objets partagés en fait. Oui. La télécommande. La télécommande, la voiture, ça c'est plus vous messieurs, parce qu'apparemment, en effet, notre seuil d'irritabilité, à nous les femmes, concerne peut-être plus ce qui a trait aux tâches ménagères, donc ce qui a trait au linge, oui. hein, le repassage, le linge à ranger, la salle de bain à rincer, enfin ce genre de choses. Vous, c'est peut-être plus la voiture. Mais c'est vrai que depuis l'après-guerre, on essaye d'arriver à une certaine égalité dans la répartition des tâches. Mais il reste que les femmes gardent encore quelque part une part de ce modèle inconscient qui fonctionnait très bien avant, dans ce monde où les hommes et les femmes étaient séparés, où ils avaient des rôles chacun de leur côté. Ouais. Ici, il se fait que, il semblerait que les femmes dans ce cocon familial sont plus souvent agacées. En tout cas, les hommes semblent avoir un seuil de tolérance plus bas ou expriment moins leur agacement. Je crois que c'est ça. De telle sorte qu'ils doivent. Je crois que l'homme moins se mobiliser un peu plus. En fait. Ouais. Hein, pour, comme ça. Oui, c'est ça. Je pense. Oui, donc ce principe de l'égalité, tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce quoi vers on veut tendre, mais dans la pratique, c'est vrai qu'on en discutait, il s'avère que la femme travaille, entre guillemets, encore chez elle quotidiennement, environ 2 heures en plus. C'est bien que c'est un homme qui le dise. C'est bien que c'est un homme. La quantité de travail à 1h40 et quelques. C'est donc ça, ça évolue dans le monde. Dans 500 ans, nous y serons peut-être. C'est quand on va très très vite. Oui. Serge, ça dépend des jours. Des jours, mais on va peut-être plus vite que ce d'autres. Ce sont ces fameux deux clans qui s'opposent. Hein, le clan du relax, qui est souvent investi par l'homme, et le clan un petit peu plus. Il faut le faire, et ça doit être fait. Ça ne peut pas attendre. Ça, c'est nous. Plus tôt. Et oui, c'est vrai. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que la femme, souvent, comme elle ne travaillait pas à l'extérieur, l'homme travaillait à l'extérieur, et puis la femme, elle faisait toutes les tâches ménagères. Et encore aujourd'hui, même si elle travaille à temps plein, elle va avoir plus envie que ça soit en ordre, etc. Et donc, effectivement, si elle est agacée, émotion et action. Et alors, on peut entendre des patientes qui disent « Je préfère le faire moi-même, parce qu'au moins, comme ça, c'est fait. » Et puis, parfois, les hommes qui répondent « Oui, mais toi, tu veux que ce soit fait à ta sauce. » Oui, au moins, c'est bien fait. C'est pas « c'est fait », c'est « fait comme je l'entends ». C'est ça. Cécile, elle n'est pas contente. Cécile, elle envoie un message maintenant. Elle dit « J'entends beaucoup d'agacement, Sylvie, en lien avec le linge de monsieur. La solution, que ces messieurs s'occupent de leur linge. Voilà, une machine à laver est aussi simple d'utilisation qu'un lave-vaisselle ou un smartphone, hein, monsieur. » Personnellement, c'est ce que je fais. Bon, ce qui m'agace, c'est que c'est à madame et à maman de s'en occuper, dit Cécile. Chacun sa machine à laver, finalement. Si non. On peut investir deux machines. Comme on peut avoir son tube de dentifrice chacun. Chacun sa machine à laver. Ou chacun son linge, oui. Chacun son linge. Question économie, écologie, c'est peut-être moins top, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, l'important, c'est que le couple trouve sa solution. Oui, on discute oui. et trouve une façon. Et alors, en général, le couple, il est heureux quand il a trouvé la solution. Il a un sentiment de légèreté, d'avoir légiféré quelque chose. Même si quelques semaines ou quelques mois plus tard, bien souvent, les mauvaises habitudes reprennent parce qu'elles sont très résistantes. Mais au moins, à ce moment-là, le couple a un sentiment léger de retrouvailles et de prise en considération des deux points de vue. On va quand même essayer de joindre Julie. Hein, Julie qui parle de son linge dans la table de nuit, parce que c'est drôle. Fabrice aussi, de Fex-le-Haut-Clocher, qui nous parle aussi de ce qui agace au niveau de sa femme, sinon des personnes ne répondent pas, c'est dommage. Oui, Sylvie. Je voulais peut-être ajouter que dans l'absolu, personne n'a tort ou raison. Le plus souvent, en fait, c'est une question de point de vue. Oui. Je pense à un exemple, l'exemple que j'avais lu dans le livre de Monsieur Kaufmann, justement, sous les petites guerres. Il expliquait qu'un couple en appartement se disputait sur un sujet très précis qui était celui du papier WC. Madame trouvait que par économie, il fallait acheter des grands packs de papier WC et les stocker dans l'appartement. Et monsieur trouvait que ça manquait de place et que donc, pour avoir une maison ordonnée, c'était mieux d'acheter des papiers WC au fur et à mesure. Par 4 ou par 6. Voilà, par exemple. Ouais. Donc, qui a tort ou qui a raison? C'est ça. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah, ben voilà. Ah. Je suppose que quand madame va faire les courses, elle achète le stock. Oui. Et quand monsieur va faire les courses, il achète le petit paquet. Oui. Parce que personne n'a toujours raison. Il y a toujours la valeur qui est derrière. Ça prend de la place. Hein. Dans un cas, la valeur de et l'économie. C'est pas et dans super l'autre beau cas, dans la décoration non plus. Hein, ce pack de 24 ou 32. Il faut peut-être trouver une façon de les disposer. Quand on a peu de place, c'est vrai. Bon, qui a raison, qui a tort. Oui, posez-vous. Est-ce que parfois, quand vous avez des agacements comme ça, vous vous posez vraiment la question en vous regardant dans les yeux, en disant mon chéri. Ma chérie, peut-être pas à chaud, 2 heures après. Mon chéri, ma chérie, qui a tort, qui a raison? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ce problème? 070-23-33-23. SMS 30-63, 50 centimes par message. Les agacements conjugaux, juste après Milo. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Les agacements conjugaux. Je vois des messages sur Facebook. Paola, elle dit ce qui m'agace, Sylvie, c'est ses petites manies. Son entêtement. Quand on parle de choses sérieuses, il tourne tout à la rigolade. Parfois, c'est marrant, mais parfois, ça l'est pas. Les taquineries mesquines, etc., etc. Bon, ok, dit Paola, après 42 ans de mariage, eh ben, je m'y fais toujours pas. Mais je pense que lui aussi aurait beaucoup de choses à me reprocher si on lui posait la question. Christelle, elle écrit les bouteilles vides, Sylvie, les rouleaux de papier toilette, ses ronflements, les petits travaux inachevés, beaucoup d'autres, mais après 17 ans, on s'y fait. Je dois en avoir beaucoup aussi. C'est génial, quoi. Vous voyez, elle parle des agacements de l'autre, et puis elle dit, ben, nous aussi, on en a aussi. Bon, Julie, on va essayer de la voir dans quelques instants. Xavier écrit à l'instant, j'ai une femme adorable et parfaite. Un seul défaut, elle est bordélique, mais je l'aime. Voilà, nous dit tout simplement Xavier. Olivier dit, vous me faites rire avec vos clichés hommes-femmes. Moi, je sais tout faire sans l'aide de ma femme. Et au début, notre relation, elle était triste en me demandant à quoi elle servait si je m'en sortais bien sans elle. Olivier, je déteste les généralités, mais il faut en faire malgré tout un petit peu, en sachant qu'on n'est pas tous dans ces généralités-là, mais on s'inscrit souvent malgré tout dans ces généralités. Mais c'est sûr que tout le monde n'est pas pareil, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a quelque chose de génial que vous venez de dire, Sylvie, dans une des interventions. C'est la personne qui dit on se parle de nos agacements. En fait, une piste de solution pourrait être tout simplement de discuter chacun des agacements qu'on a envers l'autre. Ouais. Et finalement, de se dire, bah voilà. Comptez les points. Toi, tu as ceci, toi, tu as cela, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Et on peut s'offrir des agacements. On peut vraiment faire ça. Voilà, on peut se dire, bah, moi, il y a deux, trois choses que franchement, je me vois pas faire autrement. Je me vois pas changer. Et toi, non plus, eh bien voilà, je vais accepter que tu fasses ceci, comme ça, et comme ce ne soit pas vraiment comme je le souhaite moi, mais c'est comme ça. Et on peut s'offrir vraiment, se faire en cadeau des agacements partagés. Et c'est une façon de les gérer. Et dire bravo aussi. Mm-hmm. Hein, quand il y a eu quelque chose, quand le mari, le conjoint, a enfin rangé ses chaussettes sales au bon endroit, Ça, c'est quelque chose de très important. Dis, oh, célébrons. Oui, célébrons. C'est la fameuse histoire de la carotte et du bâton. Vous connaissez l'histoire de l'âne, de la carotte et du bâton. Si vous avez un âne et que vous devez lui faire une tâche assez lourde, qu'il doit transporter, un gros matériau, vous avez deux solutions. Soit vous lui présentez le bâton pour le faire avancer, ça va marcher. Et vraisemblablement que vous aurez un âne triste, malheureux, qui fera l'activité, mais qui ne vivra peut-être pas très longtemps. L'autre solution, c'est l'âne à qui vous présentez la carotte devant son museau et à qui vous donnez la carotte au bout de l'activité. Et ce sera vraisemblablement un âne qui vivra heureux, satisfait et très longtemps. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, sans pour autant dire que nous serions des ânes ou que sais-je dans notre couple, mais c'est un petit peu l'idée de pointer ce qui est positif. Donc, la tasse n'est pas rangée 9 fois sur 10. Mais une fois sur 10, ça l'est. Et c'est à ce moment-là que je vais dire, mais j'ai vraiment bien aimé que tu aies pu ranger cette tasse, ça m'a fait vraiment plaisir. Et en fait, on renforce un comportement que l'on veut encourager. Et c'est la meilleure façon d'apprendre, en fait. C'est un principe de l'éducation que, bien malheureusement, sûr, on n'utilise pas trop. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais dans c'est l'éducation, vrai que c'est dès le plus jeune âge, hein, actuellement, qu'on doit faire ce genre de choses. Mais c'est un des grands principes de l'éducation, c'est pointer ce qui est positif et ce qu'on veut voir encourager, et pas le contraire. Absolument. Mais ça, c'est dans tout, hein. C'est une règle universelle. Xavier, vous comprenez ce qu'on veut dire, Xavier? Quand votre femme, que vous dites bordélique, mais que vous l'aimez malgré tout, fait quelque chose que vous lui avez demandé, pointez ça du doigt, célébrez. disons que, j'ai effectivement une femme adorable et parfaite, mais son seul défaut, c'est d'être bordélique et de... Bah, je dois chaque fois passer derrière elle, quoi. Elle laisse traîner ses vêtements, ou elle laisse traîner ce qu'il y a jeté à la poubelle, ou... Ça ne me fait pas réagir négativement, c'est comme ça, elle est comme ça. Et moi j'ai mes défauts aussi et on fait avec. Hein. Parfait, on a bien compris. Enfin, quand je dis on a bien compris, vous êtes dans un aéroport, Xavier? Il y a des avions autour de vous? Non, je suis en camion, je suis en Bluetooth. Ah oui, mais pas terrible, hein, votre Bluetooth. C'est très agaçant, en fait. Oui, c'est pas terrible du tout, hein. Moi, ça m'agace, hein, ça m'agace. Xavier, merci quand même pour votre intervention. On a bien compris l'essentiel. 070-22-33-33-23, SMS 30-63. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulait vous lancer dans les placements, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Écoutez ça ! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez d'une offre savoureuse. Les filets de poulet origine Belgique sont à moins 50%, soit seulement 5,24€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Vivacité La Une présente André Rieu en concert. Le roi de la valse revient avec son orchestre et 300 danseurs pour un formidable concert de Nouvel An. André Rieu, le 8 janvier au Palais 12 à Bruxelles. Info et tickets, www.andrerieu.com. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. C'est une nouveauté en effet depuis hier. Chaque jour dans cette émission, chaque après-midi, nous aurons une séquence santé avec le docteur Van Snick. Tout ça pour en référer à l'émission Vitamine qui a pris sa place hier en télé. Bonjour docteur Van Snick. Bonjour. La chrononutrition. Je suis une adepte, mais je vais quand même vous demander de rappeler un peu ce qu'est la chrononutrition au grand public. Eh bien, chronos, ça veut dire le temps, évidemment. Ça veut dire de manger les choses en fonction de l'heure, en fonction de l'heure de la journée. Les aliments sont digérés de manière très différente suivant ces moments de la journée. Et donc, il est important d'en tenir compte. Et c'est lié, en fait, à la sécrétion de cortisol, qui est une hormone, qui est une substance qui augmente les capacités de digestion de certains aliments suivant la journée. Bah donc ça c'est prouvé. Donc jusque-là, on est d'accord, ça c'est prouvé. Alors le petit matin, donc on va commencer par là. Que manger donc le petit matin, on va dire entre 8 et 9 heures peut-être ? Eh bien, ce n'est pas le repas préféré des Belges, certainement pas, mais il faut manger gras le matin. Eh bien oui. Il faut manger gras le matin. Alors, je n'ai pas dit un foie gras ni un saumon fumé, mais... Du bon faut... fromage. Oui, ben, peut-être qu'un saumon fumé, du fromage, effectivement. C'est le moment où les graisses seront les mieux digérées et ne donneront pas des épuisements après le petit déjeuner. Ouais, voilà. Donc, on privilégie en effet le gras plutôt que le sucré. Hein. Je pense Absolument. Que vous allez en parler après. Donc, voilà, cap sur le gras, cap sur le beurre aussi. Le midi, maintenant, docteur. Alors, le midi, ben, c'est surtout les protéines. Donc, c'est surtout les viandes animales ou les légumes riches en protéines. Mmh. Et ça permet effectivement de ne pas avoir l'envie de la sieste tout de suite après le repas, vers 2-3 heures, à l'heure où nous passons. Et donc, les protéines le midi, avec bien sûr des légumes pour ne pas grossir de trop, pour garder une silhouette correct. Voilà, donc les restes de la veille. Moi, en général, c'est comme ça aussi. Absolument. J'essaie de me nourrir le midi, les restes de la veille avec les pommes de terre, les pâtes. C'est là qu'on les mange et qu'on les digère bien. Et comme vous dites, pour éviter le coup de pompe de l'après-midi. Bon, le soir, peut-être avec un goûter entre eux. Qu'est-ce que vous conseillez? Oui, on va goûter, évidemment. On va goûter et là, on va s'offrir les vraies douceurs, les chocolats, la confiture, les sucres rapides et qui permettent de tenir jusqu'à la période. Mais en tout cas, jusqu'au début de soirée, jusqu'au journal parlé, nous allons dire. D'accord. Et puis après, le soir, on essaie d'alléger. Alors, quand même, au goûter, on va rajouter un fruit ou l'autre. Oui, ou des fruits secs aussi. Des fruits secs, des noisettes, des amandes, tout ça est parfait. D'accord. Et puis, quant au souper ou au dîner, suivant l'appellation d'origine, eh bien, c'est surtout les poissons qui sont intéressants. C'est ce qu'il y a de plus léger et ça permet d'avoir un sommeil réparateur. On les accompagne avec des légumineuses ou éventuellement de légumes cuits de toute façon. Et les poissons préférés sont évidemment des poissons qui ne sont pas trop gras, ça veut dire les soles que tout le monde mange tous les jours, bien sûr, ou des cabillauds, donc plutôt des poissons à chair blanche. Très bien, voilà pour la chrononutrition. Allez voir évidemment plus de renseignements sur des sites internet qui sont consacrés à ça. Merci docteur Van Snick, à demain. À demain. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. dreams I fell so far. Hey, I know I'm taking up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Miss sur Vivacité. Dans la vie du bon côté, on vous parle depuis 13h de ces agacements conjugaux. Qu'est-ce que ça peut agacer en effet? Qu'est-ce que ça peut parfois tourner en vrille? Et donc pour éviter ça, ils ont décidé ensemble, Serge Dewar et Sylvie Loumet, de vous présenter cette conférence dynamique le 19 octobre à Olivier Saint-Lambert. Les renseignements sont sur notre page Facebook. Il y a aussi Vous serez seul en scène, j'ai envie de dire, le 14 octobre sur Jeu et Désir. Jeu et enjeu du désir conjugal. Voilà. Ce sera le 14 octobre. C'est aussi sur la page Facebook pour les renseignements. Ce sera au Centre culturel de Romicourt. Bien. Dans quelques instants, une petite conclusion, tiens, sur ce qui a été dit et sur ce qui peut encore être amélioré et appris, juste après ceci. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Vivacité et la Une présente le premier festival international de films de comédie de Liège. Du 23 au 26 novembre, rencontrez les professionnels du cinéma et faites-le plein de rires et d'émotions au Cinéma Palace et sur la place Saint-Paul. Info fifcl.be. Avec la ville et la province de Liège et la région wallonne. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.EU. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès? Oh, c'est top, top, top! Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors! Galerie Toison d'Or, j'adore. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyé spécial en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. La vie du bon côté. Bon, les agacements conjugaux, il y a des messages qui viennent d'arriver. Alors, chouette message d'une auditrice, elle nous dit « Maintenant que mon mari est décédé, Sylvie, je pense que ces ronflements qui m'épuisaient étaient la mélodie du bonheur. Ouais. » À Montigny-le-Tilleul, une auditrice, c'est vrai qu'on se disait aussi en dehors de l'émission, on s'est dit parfois ce qui nous avait séduit peut nous agacer par la suite. Ouais, quoi, tout hein. À fait. Et voilà, tout là, c'est l'inverse. Finalement, les agacements, c'est ce qui fait que l'autre est vraiment lui. Oui. Donc, mais c'est vrai que... Voilà. C'est un beau message. Et puis oui, Dominique qui nous dit, Sylvie, 30 ans que mon mari jette son journal par terre à côté du lit avant de s'endormir. 30 ans qu'au matin, quand il se réveille, il marche dessus en se levant. 30 ans que ça m'agace. Je suppose qu'elle doit ramasser après. Ou décider que ça ne l'agacera plus. Mais lui, ça l'amuse sûrement de marcher sur son journal pendant 30 ans. À mon avis, c'est une habitude qu'il a depuis toujours. Mais oui, c'est ça. Il ne voit pas le problème. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Bon, vous donnerez des pistes évidemment le 19 octobre. Oui. Hein. En fait, voilà. À cette conférence, nous allons donner, grosso modo, une petite vingtaine de solutions. Alors, grâce aux auditeurs, certaines de ces solutions ont déjà été évoquées brièvement, comme éviter le refoulement, exprimer une demande. On a parlé d'exprimer l'émotion physiquement, de l'importance de l'humour, de s'offrir des agacements, de positiver, de se spécialiser au sein du couple. Alors, à la conférence, nous aborderons bien d'autres pistes, tout en développant celle-là davantage également. Mm-hmm. Voilà, par exemple, sans en dire trop, on va développer une solution qui pourrait être de faire un recadrage. Donc, essayer de voir l'autre autrement, je ne vais pas en dire plus. S'isoler, rentrer dans sa petite bulle, respirer, se décontracter. Et aussi une autre qui consiste à ne pas tout dire, ce qui ne veut pas dire mentir. Ah oui. Ah. Vous ferez aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui agace le plus les endroits donc de prédilection, qui agace les seuils d'agacement plus vite atteints que d'autres, les objets partagés, le rapport au temps. On en a pas parlé, mais le rapport au temps. Est différent aussi. Ah oui, ça c'est quelque chose. Ça c'est vraiment quand on avait fait une petite pré-enquête auprès de nos proches, en demandant qu'est-ce qui vous agace afin d'alimenter notre scénette de Roméo et Juliette. Le rapport au temps, c'était vraiment quelque chose qui ressortait fort. Donc un des deux a envie de partir parce qu'il est temps, on va arriver en retard. Et l'autre trouve que c'est perdre du temps que d'arriver en avance ou arriver même juste à l'heure. Et qu'arriver à l'heure, par respect pour l'autre, c'est on a le quart d'heure académique, etc. Donc ça c'est incroyable au niveau du temps. L'argent, c'est aussi un thème assez compliqué. En général, il y en a un qui est plus dépensier et l'autre qui est plus économe. Alors, la façon de gérer l'argent du ménage, en tout cas, souvent acheter des promotions, pas de promotions, des marques, des sous-marques. Voilà, tous ces petits débats-là sont intéressants, sans parler des belles familles. Ah. On saura juste à dire un tout petit mot. Mais les belles familles, forcément, chacun est né dans sa famille, oui. A pris les habitudes de sa famille et ouais. Considère que c'est normal et juste et bon de faire comme ça. Bien donc sûr. Vraiment, c'est cette confrontation entre les deux cultures familiales. Didier de Hans écrit, c'est ça la vie, Sylvie. Si on est tous les mêmes, ça devient monotone. C'est vrai qu'on a tous nos défauts et nos imperfections, et nos perfections aussi, nous dit Didier. Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour du sujet, en tout cas par rapport à ça, et vous irez retrouver donc le 19 octobre à Woluwe Saint-Lambert, Sylvie et Serge qui reçoivent aussi en consultation bien entendu à Liège et à Bruxelles. Tous les renseignements sont sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous deux, vous pourrez réécouter l'émission en podcast via Ovio dans quelques instants, c'est Aller-Retour qui s'installe. Aussi résistante au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.EU. Très belle après-midi. Très bel après-midi à tous. On a davantage de nuages du côté du littoral pour le moment. Quelques voiles d'altitude aussi qui circulent sur le centre du pays. Mais les provinces de l'Est, elles, sont toujours sous un ciel serein et ça va rester le cas jusqu'en fin de journée. Une zone nuageuse va envahir notre pays dans le courant de la soirée et de la nuit. Elle va s'étendre peu à peu à toutes les régions. Il se pourrait qu'elle laisse échapper quelques gouttes du côté de la Flandre occidentale. On aura aussi une grande différence de température entre l'Ardenne et le littoral cette nuit. 7 degrés du côté de Saint-Hubert et jusqu'à 16 degrés du côté d'Ostende tout de même. Demain matin, on va se réveiller sous les nuages. Dans l'après-midi, des éclaircies parfois larges pourront se développer sur la plupart des régions. Le vent de sud-ouest sera sensible. Les températures, quant à elles, iront de 18 à 23 degrés. Des carrelages, parquets et pierres naturelles. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Hucle et Peugeot Méser. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Stop ! Dormir c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Vivacité et La 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivé devant la bourse. Info et inscription, brusselsmarathon.be. Pour la plus large gamme d'aliments pour chiens et chats et les conseils les plus complets, AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Il est 15h, voici le journal de Justine Hermans. Bonjour à tous. Rudy De Motte, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a critiqué ce matin le gouvernement fédéral pour sa répartition des numéros INAMI entre les étudiants flamands et francophones en médecine. C'était dans son discours pour la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui. La répartition des numéros INAMI n'a en fait pas changé. 60% pour les flamands, 40% pour les francophones. Alors qu'aux yeux de Rudy De Motte, les besoins sont criants au sud du pays. Mais selon Olivier Chastel, le président du MR, Rudy De Motte a la mémoire courte. Pour le libéral, le gouvernement fédéral a hérité d'un problème que les différents ministres socialistes de l'enseignement supérieur et de la santé ne sont jamais parvenus à résoudre auparavant. Le policier Carollo, arrêté hier, projetait un double assassinat.